L'aliénisme est une escroquerie, ça en a tout le temps été une. Parce que avant, les aliénistes, ils pouvaient pas prescrire de médicaments parce que c'était pas des médecins. Puis on a décidé d'en faire des médecins, surtout à partir des années 50, quand il a commencé à avoir des molécules payantes qui influençaient le psychique. Là, ça prenait des aliénistes qui prescrivent, puis des spécialistes de l'aliénisme. On a créé la psychiatrie, entre autres basée sur la théorie du chimico, je sais plus quoi, là. Ce qui est désuet aujourd'hui, l'admettent eux-mêmes, mais c'est encore ça qui est la théorie. Pourquoi? Parce qu'elle justifie encore l'usage d'un paquet de molécules. Donc, pourtant, on sait que c'est désuet. Parce que le biochimique dans ton cerveau va influencer ton humeur, par exemple. Mais on constate aussi au niveau clinique que si je t'apprends à entretenir ton humeur, tu vas influencer le chimique de ton cerveau. La façon que tu penses, les chaînes de pensée que tu as, puis l'instruction que tu as, puis la façon de te gérer, vont influencer la chimie de ton cerveau. Oui, la sécrétion d'hormones, que ce soit la dopamine, le cytocine, le cortisol, ainsi de suite. Fait que est-ce que c'est le chimique qui crée l'humeur ou c'est l'humeur qui crée le chimique? La poule ou l'œuf? C'est parce que ça va bien plus loin que ça, c'est bien plus subtil que ça. Mais leur théorie, comme le docteur Mayo, lui, il était vraiment dans cette théorie-là, moléculaire, chimique. Ben, c'est désuet, c'est dépassé, puis. Mais c'est ce qui permet au complexe pharmaceutique d'engranger des millions, voire des milliards, en renouvelant Oui. des prescriptions, lui donner des doses de Chral d'antipsychotiques à des Mais lui, patients. il était partisan de ça comme on est partisan d'une religion. C'est ça, lui était fort sur les mégadoses. Ben, c'est parce que, admettons que tu vas contre ça, il devient agressif, puis là, ça devenait, c'était même plus des arguments irrationnels.